France Inter, franceinter.com. Au moins 150 morts, des femmes violées, des gens battus. C'était le 28 septembre dernier dans un stade de Conakry, la capitale de la Guinée. Tous venaient protester pacifiquement contre la décision du chef de la junte, Moussa Dadis Camara, qui, malgré ses promesses, avait décidé de se présenter à l'élection présidentielle. Un épisode sanglant de plus dans un pays qui vit un vrai cauchemar depuis un demi-siècle. De dictature en dictature, de massacre en massacre, de terreur en terreur et de misère en misère. Alors que ce petit État africain dispose d'atouts considérables et d'innombrables richesses naturelles. Tout a commencé dans les années 50 avec le premier maître du pays, Sékou Touré, l'homme qui a osé dire non au général de Gaulle, en refusant à sa façon le système paternaliste de la France-Afrique. Paris lui a fait payer cher cet affront en multipliant les tentatives de déstabilisation. Mais en réalité, c'est le peuple guinéen qui a payé le prix fort. Sékou Touré, obsédé par les complots vrais ou imaginaires qu'on fomentait contre lui, a engagé son pays dans un régime de terreur inspiré par la Corée du Nord et qui va perdurer pendant un quart de siècle. Pourtant, disait M. X la semaine passée, la fin des années 70 et l'orée des années 80 voient un début de rapprochement avec la France qui va largement ouvrir son porte-monnaie. Les investisseurs reviennent, les vautours planent à nouveau au-dessus de Conakry. Mais en 1984, Touré meurt subitement et presque immédiatement, les militaires font main basse sur la Guinée. Dans un instant, la suite du récit de M. X. I'm gonna go to the moon. never got old. Ça n'a pas traîné. Sékou Touré succombe fin mars 1984. Début avril, les funérailles à peine terminées, un groupe d'officiers bouscule la Constitution et s'empare du pouvoir. Pacifiquement ? Oui, mais il faut dire que ça se passe dans une atmosphère de liesse, tant les Guinéens sont contents d'être débarrassés de leur dictateur. Et alors, ces militaires-là, qui sont-ils ? Leur chef, qui va rapidement s'installer à la tête de l'État, est le colonel Lansana Conté, qui, bien sûr, accédera dès lors rapidement au grade de général. Oui, ça c'est le minimum, non ? Oui. Ce soldat paysan, comme il aime à se présenter, est un pur produit de notre armée coloniale, où il a commencé par être enfant de troupe. Il participe dans les rangs de l'armée française à la guerre d'Algérie et, nanti du grade de sergent, il revient dans son pays lors de l'indépendance. Mmh. En 1958, donc, et il rejoint l'armée guinéenne. Naturellement. Sékou Touré, champion du tiers-mondisme, engage alors ses troupes dans les guerres de libération. Chez le voisin de Guinée-Bissau ou encore en Angola, deux colonies portugaises. Mmh. Et Conté, donc, participe à ces campagnes ? Oui, et en même temps, il gravit les échelons, jusqu'à devenir le plus haut gradé de l'armée guinéenne, ce qui lui permettra, lors du putsch, de s'installer logiquement à la tête de l'État. Oui, ça se comprend, ça. Mais l'homme... Donnée importante, il est issu de l'ethnie Soussou, alors que Sékou Touré était un malinqué. Ouais. Il y a donc derrière cette prise de pouvoir, là, une sorte de revanche ethnique aussi. Incontestablement. Et Conté n'aura de cesse d'écarter les malinqués qui exercent encore des responsabilités. Alors l'homme, me demandiez-vous ? Eh bien, c'est un personnage tout d'une pièce, un colosse plutôt bourru, et qui ne s'embarrasse pas d'user du langage diplomatique. Il parle franchement et même, lorsqu'il le faut, grossièrement. Ah bon, et les débuts de son nouveau régime Comme tous les militaires qui s'emparent du pouvoir, Conté multiplie les promesses, rétablissement de la démocratie, respect des droits de l'homme, etc. Et effectivement, dans un premier temps, Lansana Conté donne des signes concrets de ses bonnes intentions. Il ordonne la libération des prisonniers politiques et rétablit les libertés syndicales. Ça commence plutôt bien. Hein. Apparemment, oui. Parce qu'en réalité, Conté commence à faire discrètement le ménage. Deux anciens ministres de Sékou Touré sont, par exemple, emprisonnés et disparaissent mystérieusement. Mais c'est dans le domaine économique que le changement est le plus visible. Les nouveaux dirigeants entendent rompre radicalement avec le modèle marxiste prôné par Sékou Touré. Et d'un seul coup, la Guinée bascule dans le libéralisme le plus débridé. Un changement de cap qui est piloté par les grandes instances internationales et d'abord le FMI. Il est aussi encouragé par les bailleurs occidentaux qui comptent bien profiter des privatisations. Et c'est aussi, j'imagine, l'instauration d'un régime minceur pour l'État guinéen. La purge recommandée par le FMI, comme partout ailleurs, se traduit en effet par une vraie saignée dans la fonction publique. Et en même temps, évidemment, la Guinée vend les joyaux de la couronne. C'est-à-dire ça. Elle abandonne aux investisseurs étrangers l'exploitation de la plupart de ses richesses naturelles, à commencer par la bauxite, dont le pays, je vous le rappelle, est le deuxième producteur mondial. Toutefois, et c'est notable, malgré cette évolution vers un capitalisme sauvage, la Guinée ne coupe pas les ponts avec ses amis d'hier, l'URSS, la Corée du Nord et la Chine. Mais c'est d'abord la situation intérieure de la Guinée qui apparaît fragile. En juillet 1985, le colonel Traoré, premier ministre du général Conté, se révolte. Un nouveau putsch. Et un sursaut de tous ceux qui sont nostalgiques du régime de Sékou Touré. Car Traoré est un malinqué. Quoi qu'il en soit, cette tentative fait long feu. Et Conté en profite pour purger l'armée des malinqués qui restent au profit des sous-sous. Et le régime se durcit, hein ? Ça ne fait aucun doute. Peu à peu, Conté reproduit les méthodes de gouvernement de son prédécesseur. Pourtant, au début des années 90, sans doute aiguillonné par l'ancien colonisateur, le maître de la Guinée fait un geste. Une nouvelle constitution est adoptée par référendum. Et pour la première fois depuis l'indépendance, le multipartisme est autorisé. Eh bon. Mais attention, cette évolution se fait à très petits pas. Les activités des nouveaux partis sont strictement contrôlées et ils n'ont guère accès aux médias. Oui, il s'agit de l'octroi d'une liberté très surveillée. Oui, mais c'est vrai, Lansana Conté a fait un effort. Toutefois, ça ne va guère durer. La corruption, la mauvaise santé économique du pays ruinent cette évolution vers la démocratie. Et devant le mécontentement grandissant de la population, le président reprend la main et accentue la répression. Au camp Boireau, où sous ses coups tourés, on enfermait les opposants et on les torturait, succède le camp Kundara. Et signe évident de continuité, on en confie la direction à l'ancien tortionnaire du camp Boireau. Eh ben, mais est-ce que le pays reste calme pour autant ? Non, ça bouge de plus en plus. Et en 1993, des manifestations sont durement réprimées. On compte des dizaines de morts. C'est dans cette atmosphère agitée que se prépare la première consultation électorale pour la présidence. Lansana Conté est candidat. Forcément. Et en 1995, il est élu de justesse au premier tour dans des conditions qui sont rien moins que démocratiques. La fraude. Bon, bien entendu. Ouais. Et la France, alors, quel jeu joue-t-elle en Guinée, là ? Sous ses coups tourés et malgré le réchauffement intervenu à la fin des années 70, les Français n'étaient pas les bienvenus en Guinée. Mais sous Lansana Conté, ça change. Et la France-Afrique fait un retour en force dans le pays, à travers les grandes entreprises qui ont un œil sur les richesses du pays, mais aussi en matière de sécurité. C'est par exemple Paris qui équipe en matériel la police et l'armée, crée une école militaire et forme la garde présidentielle. Des bérets rouges encadrés par des hommes du service action de la DGSE. Ah ben, comme au bon vieux temps. Ouais, c'est à peu près ça, oui. Et parallèlement, on voit apparaître à Conakry d'éminents représentants de la France barbouzarde, comme Pierre de Bizet, l'ancien patron du SAC, ou Jacques Tillier, l'ancien journaliste de Minute, censé diriger le seul quotidien local. C'est même un commissaire français, le célèbre Lucien Aimé Blanc, qui, au nom de la coopération, est chargé de réorganiser la police guinéenne. Ça va même si loin que les opposants, surtout les intellectuels, évoquent une véritable recolonisation de la Guinée. Et c'est vrai ? Ces nostalgiques de ces coups tourés exagèrent certainement un peu, mais la mainmise de notre pays sur la Guinée est alors incontestable. Ce qui d'ailleurs ne va pas sans provoquer une vive rivalité avec les Russes qui sont arrivés dans le pays au temps de ces coups tourés et n'en sont pas repartis. Mais il y a peut-être encore plus grave. D'abord, il y a la dérive ethniciste de la vie politique où chaque parti se différencie des autres presque uniquement par l'origine géographique de ses partisans. Et puis il y a l'armée qui gronde de plus en plus. Alors, pour quelle raison, là ? Bien que Conté soit lui-même un ancien militaire, il a laissé l'armée se paupériser. S'appauvrir, c'est ça. Oui. Les soldes sont payés irrégulièrement et la corruption règne aussi dans ses rangs. En outre, certains contingents guinéens sont engagés dans des guerres régionales, au Libéria, en Sierra Leone ou encore en Guinée-Bissau. Ces conflits extrêmement meurtriers où l'on perd rapidement son arme. Ouais, tout ça n'arrange pas le moral des soldats. Aussi, c'est presque inévitablement qu'une mutinerie éclate en 1996. Au départ, il y a des revendications salariales et même alimentaires. Alimentaires, c'est-à-dire Les cantines ne reçoivent plus de riz et rapidement ça tourne au vinaigre. Des centaines de mutins descendent dans les rues de la capitale et commencent à saccager les bureaux officiels, des magasins et les stations-service. Ils s'emparent aussi de voitures qu'ils volent, purement et simplement. Mais d'après ce que vous dites, tout ça se passe dans la plus grande confusion. Hein. Oui, on n'a pas l'impression qu'il y a des chefs derrière. Pourtant, la radio n'émet plus. Et déjà, on dit que des dignitaires du régime se seraient enfuis ou auraient été arrêtés. Mais soudain, en plein après-midi, on voit apparaître un blindé près de la grande mosquée où il y a beaucoup de monde. On est en effet vendredi, et les fidèles viennent prier en nombre. Et l'impensable se produit. Le char tire dans la foule. Il y a 8 morts, tous des civils. Mais comment vous expliquez ça, vous ? Y a-t-il eu une provocation délibérée du pouvoir ? Bon, ce n'est pas exclu. En tout cas, cette tuerie gratuite bouleverse la population. Les mutins ne bénéficient plus de sa sympathie. Mais Lansana Conté n'a pas encore gagné pour autant. Rendez-vous avec X. J'ai trouvé dans un article de Jeune Afrique, publié après la mort de Conté en janvier 2009, ce portrait du dictateur guinéen. Je cite. L'ex-homme fort de Conakry laissait à tous ceux qui l'approchaient le souvenir d'un homme rigide, peu porté au compromis, prompt à en découdre. Un sous-sous, en somme. L'Ansana Comté avait tout de son groupe ethnique, du physique, d'un noir éclatant, visage massif, très épais, jusqu'au caractère. Établis sur la côte atlantique guinéenne, les sous-sous sont ouverts au monde comme la mer, mais peu regardant sur les convenances et le protocole. Comté était un pur produit de cette culture de la côte. Son langage direct n'a jamais flirté avec la langue de bois. À Charles Josselin, ministre français de la coopération, lui demandant en 1999 la date du jugement de l'opposant Alpha Condé, il avait lancé « Vous m'emmerdez avec cette histoire ». Avant de confier en langue sous-sous à l'un de ses ministres devant Madeleine Albright en octobre 2000, « Si cette pute croit me faire changer d'avis », la traduction de la phrase par le personnel local de l'ambassade américaine à Conakry n'avait pas ravi la secrétaire d'État américaine de l'époque. Ce portrait est signé par Cheikh Hirim Sek. La foule, traumatisée par le tir dévastateur du tank, marche ensuite vers le Palais des Nations en criant son soutien au président, tandis que la radio, qui était restée mystérieusement muette, se remet à fonctionner pour diffuser une allocution de Comté. Et que dit-il alors? Comté joue la partie avec une certaine habileté. Annonçant la démission du ministre de la Défense, il déclare accorder aux mutins tout ce qu'ils veulent. Ah bon? Mais manifestement, ça ne suffit pas à calmer les rebelles qui, équipés de blindés, se dirigent vers le palais présidentiel et l'encerclent. Alors là, la mutinerie se transforme en putsch. Et les rebelles exigent effectivement le départ de Comté. Des négociations téléphoniques s'ouvrent, mais le président ne cède pas. Alors les blindés ouvrent le feu. Et après deux tirs ratés et meurtriers sur des maisons voisines, le palais est touché et va être complètement détruit, pillé et incendié. C'est quand même très grave, là. Et Comté, là, où se trouve-t-il? Eh ben, il est à l'abri dans un bunker. La suite est assez confuse. Le lendemain, les mutins réclament toujours le pouvoir. Ils ont même un candidat pour succéder à Comté. Un autre officier? Bien sûr. Ouais. Mais celui-ci se désiste. Ah bon? Alors Comté, qui est quand même sorti de son bunker, met les rebelles au pied du mur. Par qui voulez-vous me remplacer? Et comme ils n'ont pas envisagé un autre candidat, ils abandonnent la partie et finissent par lui laisser la place. Non, bien entendu, sans avoir renouvelé leurs revendications acceptées par Comté. Ils avaient même, quand même, mal préparé leur affaire. Hein. Il n'empêche que l'alerte a été très chaude. Officiellement, une cinquantaine de morts, mais sans doute beaucoup plus. De nombreuses destructions à Conakry, des arrestations et la fuite dans les pays voisins, à la Sierra Leone et le Libéria, d'une partie des mutins craignant d'être victimes de la vengeance du chef de l'État. Ouais. Bon, celui-ci a donc gagné. En tout cas, il reste au pouvoir. Certes. Cependant, il ne faut pas oublier que la mutinerie des militaires correspond aussi à un profond malaise de la population guinéenne qui supporte de moins en moins les oukases du FMI et de la Banque mondiale. C'est pourquoi il fait appel à un premier ministre reconnu par la communauté internationale, un économiste, Sidia Touré. Touré, c'est un parent de Sékou? Non, je ne crois pas. Touré est un nom très répandu en Guinée. En tout cas, ce personnage se met à l'ouvrage et fait assez rapidement preuve d'efficacité. Et ça se voit. Les coupures d'électricité, par exemple, deviennent moins fréquentes et les ordures sont ramassées. Mais lorsqu'il s'attaque à la remise en ordre des finances publiques, il se heurte obligatoirement aux corrompus qui entourent le général président. Et début 1999, après la deuxième élection présidentielle, il doit partir et passe immédiatement dans l'opposition. Mais justement, cette mise à l'écart n'est pas sans rapport avec cette nouvelle consultation électorale. Expliquez, là. La campagne se déroule dans un grand climat de violence et il y a plusieurs morts. Le pouvoir est décidé à faire taire l'opposition et surtout un homme dont le nom va devenir emblématique, Alpha Condé. Un nom très connu, mais un mot sur cet homme. Condé est d'abord un intellectuel respecté. Opposant résolu, condamné à mort par contumace sous Sékou Touré, il a longtemps vécu en France. Mais en 1998, il décide de se présenter contre Comté. Le président prend ça comme un affront, d'autant que Condé a le tort d'être malinqué. Et en compagnie de quelques dizaines d'opposants, dont plusieurs députés, il est jeté en prison dès le lendemain de l'élection. Une élection, enfin, j'imagine, qui a été gagnée par le président sortant. Bah forcément. Et de quoi accuse-t-on Condé? d'atteinte à la sécurité de l'État. C'est naturellement bidon, mais ça suffit au pouvoir pour garder Condé de longs mois en prison. Et tandis que ses co-accusés sont condamnés à des peines légères, Condé, lui, écope d'une peine de 5 ans. C'est lourd, quand même. Ouais, mais l'affaire Alpha Condé, comme on l'appelle désormais, suscite une intense campagne internationale. Et Condé en tient compte ? Oui, il finira par gracier Condé. Mais en attendant, il ne s'est guère laissé impressionner et il enverra promener Charles Josselin, ministre de la coopération de Lionel Jospin, qui lui demandera des nouvelles de l'opposant. Et lorsque Jacques Chirac, en visite officielle en Guinée, lui parle, lui aussi, de Condé, il réplique « J'ai pas de leçon à recevoir de quelqu'un dont les ministres sont mis en examen chaque jour. » Ça s'est envoyé. En effet. D'ailleurs, ça coïncide aussi avec un refroidissement certain de nos relations avec la Guinée. Les investisseurs français ne sont plus obligatoirement les bienvenus. Et le régime regarde maintenant plutôt de l'autre côté de l'Atlantique. Vers les États-Unis, donc. Et vous allez comprendre pourquoi. Et attendez, ce Premier ministre, Sidi Touré, vous avez dit que son éviction avait à voir avec l'élection présidentielle. Et ses conséquences, il a eu le tort de protester contre l'arrestation d'Alpha Condé. Ça et le fait qu'il gênait l'entourage présidentiel, il n'en fallait pas plus pour le virer. Et puis il était malinqué, lui oui, aussi. Oui, mais pour la Guinée, le danger vient maintenant de l'extérieur. Je vous ai dit que des contingents guinéens avaient ponctuellement combattu chez leurs voisins du Libéria et de Sierra Leone. Où se sont d'ailleurs réfugiés les mutins de 1996. Oui, mais cette fois, ce sont ces voisins qui s'invitent en Guinée et attaquent à l'extrême sud du pays. Mais pour quelle raison, alors ? C'est très compliqué. Mais derrière, il y a l'incontournable et sanguinaire dirigeant libérien, Charles Taylor. Lui, ce qui l'intéresse, ce sont les diamants guinéens. Il n'en a pas usé autrement en Sierra Leone. C'est exact. Quoi qu'il en soit, avec l'aide d'opposants guinéens et de mercenaires africains, il exporte donc la guerre en Guinée. Et ça explique l'intérêt des États-Unis pour le pays. Car à Washington, on est décidé à tout faire pour se débarrasser de Taylor, qui met la région à feu et à sang depuis une dizaine d'années. Par conséquent, les États-Unis prennent en quelque sorte la relève de la France. Désormais, ce sont des Américains qui forment l'armée guinéenne et l'équipe. Mais j'imagine que ce soutien ne doit pas être tout à fait désintéressé. Bien sûr. Les richesses naturelles de la Guinée font rêver. En tout cas, grâce à cette puissante aide états-unienne, l'armée guinéenne parvient à contenir les assaillants et même à contre-attaquer. Mais ce conflit provoque de véritables drames humains et les réfugiés affluent à Conakry et dans les autres villes du pays. J'ajoute que dans les premières années du troisième millénaire, la Guinée sera aussi impliquée dans une autre guerre civile, celle qui va sévir en Côte d'Ivoire. Mais enfin, passons. Ces épisodes meurtriers ne concourent pas, vous l'imaginez, à apaiser le climat politique guinéen. Et ils servent de prétexte à l'Ansana Conté pour retarder les élections législatives ou modifier à son profit la Constitution. C'est-à-dire ? Il prolonge le mandat présidentiel de 5 à 7 ans. Et en profite aussi pour décider que le nombre de ses mandats sera désormais illimité. Ah oui, président à vie, en somme. C'est ce qu'il voudrait. Pourtant, Conté est malade, gravement malade. Et la question de son état de santé précaire va maintenant peser sur la suite. Mais la question est taboue. On n'ose pas trop en parler ouvertement. Oui. Il avait une leucémie, c'est ça, hein ? Oui, un diabète très avancé. Il sera donc très souvent obligé d'aller se soigner à l'étranger. Ça ne l'empêche pourtant pas de se faire réélire en 2003 avec un score soviétique. Mais les partis d'opposition avaient boycotté le vote et le pouvoir avait pris soin de mettre à l'ombre quelques dizaines de militaires contestataires, ou supposés-tels. Ah oui. Malgré tout, Conté, alors président fantôme, continue à diriger le pays. Oui, contre toute attente, le clan au pouvoir continue à régner d'une main de fer sur un pays las et divisé qui sombre de plus en plus dans le chaos. Cependant, les rumeurs de putsch vont bon train et bientôt les Guinéens descendent dans la rue. En 2006, les syndicats déclenchent une grève générale, illimitée, pour obtenir une hausse des salaires et une baisse du prix de l'essence. Un peu partout dans le pays, on manifeste. Et bien entendu, la police et l'armée répriment avec une extrême brutalité début 2007. Il y aura encore des dizaines, peut-être même des centaines de morts. Mais ça se termine comment alors ? La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest impose sa médiation et l'Ansana Conté accepte la nomination d'un nouveau Premier ministre qui s'attelle à la tâche écrasante de rétablir la situation économique. Mais Conté et son entourage ne cesse de lui mettre des bâtons dans les roues. Parce que ce Premier ministre leur a été imposé. Naturellement. Et au bout d'une petite année, il est viré et remplacé par un proche du président. Dorénavant, la seule lueur d'espoir qui reste aux Guinéens, c'est la mort le plus rapidement possible de leur président. France Inter, rendez-vous avec X. En 2006, alors que la situation guinéenne va de mal en pis, un journaliste italien, Emanuele Piano, publie un long reportage relayé par Courrier International. Il a en particulier rencontré l'opposant historique Alpha Condé, qui, lorsqu'il est revenu dans son pays en 2005, après un exil de 2 ans, a été acclamé par des milliers de Guinéens enthousiastes. On est alors à la veille d'importantes élections municipales. Ce pourrait être une chance pour la Guinée si l'ancienne puissance coloniale se décidait à agir et donc à condamner enfin le régime dictatorial de l'Ansana Conté. Mais Alpha Condé est sans illusion et déclare, je le cite, « La France a un gros défaut. Elle n'aime pas les intellectuels. Elle préfère des gens comme Bokassa, Mobutu, des gens qu'elle peut manipuler. Nous faisons peur à la France. » Parce que nous y avons fait nos études. J'ai fait Sciences Po à Paris et ceux qui sont au gouvernement aujourd'hui étaient avec nous à l'université. Nous ne sommes donc pas manipulables et nous pouvons penser de manière autonome le développement de notre pays. Cette mort, tant attendue par une majorité de Guinéens, intervient à la fin de l'année 2008. Elle est à peine annoncée qu'un petit capitaine quasi inconnu, Moussa Dadis Camara, pénètre dans les studios de la télévision et annonce qu'il vient de prendre le pouvoir au nom d'un Conseil national pour la démocratie et le développement. Oui, un organisme créé pour l'occasion. Et qui dissimule en réalité une junte classique regroupant quelques officiers subalternes. Et au fond, c'est un peu la répétition de ce qui s'est passé en 1984, là, lors de la mort de Sékou Touré. Oui, à la différence près que ces officiers ont agi beaucoup plus vite. Ah oui, ils ont pris tout le monde par surprise. 6 heures seulement après l'annonce officielle du décès de Conté, alors qu'on venait de décider un deuil de 40 jours. Le second point étonnant, là, c'est que ce soit des officiers subalternes qui aient pris le pouvoir. C'est vrai. Et à mon avis, ces gens-là devaient se préparer depuis longtemps. Et puisque il faut lire tous les événements guinéens là, à travers une grille ethnique, d'où viennent ces officiers et leur chef, là, ce Camara ? Moussa Camara est originaire d'une ethnie de la Guinée forestière, une région très éloignée de la capitale, à l'extrême sud, et qui jusque-là n'a pas donné de dirigeant notable au pays. Mais en fait, La véritable ethnie de Camara, c'est son unité de béret rouge, basée au camp Alpha Yaya Diallo, qui va bientôt devenir l'annexe de la présidence. Un camp qui a aussi longtemps été un centre d'interrogatoire. Et donc de torture. Évidemment. Est-ce que la carrière militaire de Camara le destinait à devenir le chef de cette junte ? Absolument pas. Dans l'armée, son principal titre de gloire a été de diriger la section carburant à l'intendance militaire. Ah, c'est pas ce qui prépare à exercer la fonction de chef d'État, hein, car c'est bien ainsi qu'il se présente désormais. Tout à fait. Hein, ouais. Mais revenons un peu en arrière. Quand la junte s'empare du pouvoir, Camara, bien qu'il ait suspendu la Constitution, s'empresse de déclarer qu'il ne s'incrustera pas à la tête de l'État et qu'il organisera des élections libres fin 2009. Afin de rendre le pouvoir aux civils. Mmh. Bon, encore une fois, ce sont au fond les promesses que font tous les militaires lorsqu'ils réussissent un putsch. Hein. C'est parfaitement vrai. Autre promesse, la junte s'engage à lutter contre la corruption, le narcotrafic et la misère. Un vaste programme, ça. Y a-t-il un début d'exécution ? Dans la lutte contre le trafic de drogue, oui. En février, la police lance une grande opération anti-drogue. L'un des fils du président est arrêté. Et un autre est contraint de se confesser devant les caméras de la télévision. Ça ne semble pas un peu la revanche, hein ? Je le crois, oui. D'autant que ce zèle sera sans suite et que les militaires prendront rapidement à leur compte tous les trafics. En tout cas, l'arrivée au pouvoir de la junte a suscité un immense espoir chez les Guinéens. Oui, mais il en avait été de même à la mort de Sékou Touré, hein, lors de l'accession au pouvoir de l'Ansana Conté. Malheureusement, oui. Mais la population qui a oublié que ces militaires ont été aussi les artisans de la répression en 2007 va déchanter encore plus vite qu'en 1984. Et ça tient d'abord à l'étrange personnalité de Camara. Dadis, comme l'appellent les Guinéens. Peu après sa prise de pouvoir, il déclare être investi d'une mission divine. Pas très rassurant, ça. Et au fil des mois, il va diriger le pays d'une manière absolument foutraque. Foutraque ? Oui, oui, songez que le Conseil des ministres ne s'est réuni qu'une fois et que le Premier ministre, nommé par Dadis, ne dispose d'aucun budget. En fait, tout se règle dans la salle d'attente du bureau de Dadis, dans son camp de Béret Rouge. Quand ça se règle. Car les affaires de l'État vont à volo, tandis que cet apprenti dictateur s'amuse à humilier chaque jour en direct à la télévision ses ministres, les responsables politiques, les chefs d'entreprise ou encore les diplomates. À quoi c'est Ubu au pouvoir ? Ou plutôt Amin Dada, auquel on le compare en Guinée. Car ces hommes de main, ivres ou drogués, ces bérets rouges si redoutés, terrorisent la population et se livrent aux raquettes. Alors, dans ces conditions, vous pensez bien qu'il n'est plus question de respecter les promesses qui ont été faites lors du putsch. Et c'est ainsi alors que Camara va annoncer sa décision de se porter candidat à l'élection présidentielle. Et grâce au système de terreur qu'il a mis en place, il risque bien de réussir son coup. Car malgré le désordre qui règne dans l'administration, les officiers de la junte ont pris soin de placer leurs hommes à tous les postes stratégiques, préfectures, douanes, banques, entreprises, etc. Ouais, Camara utilise en somme les méthodes de ses prédécesseurs. En partie, oui. Même si les deux précédents dictateurs ne sont pas allés aussi loin dans l'irresponsabilité. Dans ces conditions, j'avoue que j'ai été très étonné d'entendre Patrick Balkany, qui est à l'oreille du président de la République et s'intéresse beaucoup à l'Afrique, déclarer tout benoîtement que Camara a parfaitement raison de se présenter à l'élection présidentielle. La France-Afrique, toujours. Oui, ça y ressemble. Et Camara a sans doute pris cela comme une onction de la France. Seulement, une semaine plus tard, Conakry a vécu un des pires massacres de son histoire. Fin septembre. Ouais. Et ces événements dramatiques sont encore suffisamment frais dans les mémoires pour que je n'aie pas à vous les rappeler précisément. Quand même, là, ce 28 septembre, alors, l'opposition réunit des milliers de personnes dans le stade de Conakry, justement pour protester contre la décision de Dadis, hein, d'être candidat à la présidence en janvier 2010. Oui, en principe, la manifestation a été autorisée. Mais soudain, les bérets rouges surgissent et tirent aveuglément dans la foule. Ouais, et puis il y aura aussi toutes ces femmes qui vont être violées. Ah, le viol qui, hélas, semble être devenu en Afrique et ailleurs une méthode de combat comme une autre. Quoi qu'il en soit, la communauté internationale qui jusque-là fermait les yeux sur les foucades de Camara, même les plus scandaleuses, a été obligée de réagir. Les États-Unis ont évacué la plupart de leurs diplomates et la France a suspendu sa coopération militaire avec la Guinée. Bah, c'était bien le moins, non ? Je suis d'accord avec vous, parce qu'on a compté au moins 150 morts. La communauté africaine s'est aussi émue. Et l'Union africaine a même exigé de Dadis Camara une déclaration écrite où il s'engagerait à ne pas être candidat, tandis qu'une commission d'enquête internationale a été constituée. Et Camara a obtempéré ? Pas encore, et il m'étonnerait qu'il le fasse, tant il semble accroché au pouvoir. Mais le danger peut venir de l'intérieur même du pays. Quoi, l'opposition ? Non, ses propres amis. Donc, dans l'armée, alors ouais. Il y existe plusieurs clans, et la défaveur de Camara, après les événements de septembre, a aiguisé les appétits. Et l'un des militaires les plus proches de Dadis, issu comme lui de la Guinée forestière, un sergent-chef au nom de Claude Pivy, alias Copland, vient de faire sécession. Ce personnage, qui s'est conduit avec la plus extrême brutalité lors de la répression de 2007, a tenté d'arrêter l'aide de camp de Camara, un malinqué. Une manœuvre destinée à rallier les membres des autres ethnies. Mais l'opération a échoué. Toutefois, Copland n'a pas dit son dernier mot et il n'est pas le seul. Qui d'autre encore ? Le candidat le plus probable à la succession de Dadis est le ministre de la Défense, parce qu'il a la haute main sur une unité combattante qui a été formée par les Américains. Mais on parle aussi du ministre de la Sécurité, qui dispose lui aussi d'une petite armée privée. Cependant, Camara lui-même n'est pas démuni. Le dictateur, qui est sans doute moins fou qu'il n'en donne l'apparence, a songé dès le départ à se protéger contre ses camarades officiers. Et il a constitué alors lui aussi une armée à sa dévotion ? Et elle serait forte de plusieurs milliers d'hommes, regroupant des membres de la sécurité présidentielle, d'ex-rebelles, originaires de Sierra Leone et du Libéria. Et on a parlé de mercenaires, des mercenaires. Exactement, d'Afrique oui. du Sud oui. et même d'Israéliens. Oui, peut-être, enfin... Il y a encore une force de 600 hommes recrutés dans la région natale de Camara. La Guinée forestière. De type qui, très étrangement, sont payés par le ministère de l'Environnement. Donc le climat est donc explosif, hein ? Et peut dégénérer à tout moment en guerre civile. Toutefois, le meilleur allié de Camara vient de très loin. Et qui est là ? La Chine. La Chine qui n'est jamais en retard lorsqu'il s'agit de soutenir une dictature. On a appris assez récemment que Pékin négociait avec Conakry les accords les plus importants jamais signés avec un pays africain. Et pourtant, en Afrique orientale, la Chine est déjà sérieusement implantée. Oui, mais avec la Guinée, ça dépasserait tout ce qu'on a déjà vu. Un prêt de 3 milliards de dollars a déjà été accordé. Et plusieurs autres milliards seraient affectés à l'exploitation pétrolifère et minière. Et même au secteur du transport, des routes, de l'énergie et de l'eau. Alors... Pour se sauver, au fond, Camara est en train de vendre son pays à la Chine. Bah ça, on a toutes les apparences. Et en Guinée, il faudra peut-être bientôt parler de Chine-Afrique. La fin de la France-Afrique ? En Guinée, sans doute. Mais dans le reste de l'Afrique francophone, certainement pas. Vous le verrez l'année prochaine à l'occasion de la célébration en grande pompe par la France et ses anciennes colonies du cinquantenaire de l'indépendance. Une dernière citation. Avant de nous quitter, je l'ai trouvé dans un texte publié par Le Monde de l'écrivain guinéen réfugié en France, Thierno Monnet-Nombo. Quelques lignes écrites aussitôt après le massacre de septembre. Encore une fois, l'armée a tiré sur la foule à Conakry. Les journaux n'en feront pas leur gros titre là-bas. Du sang dans les rues, ce n'est pas une information, juste une anecdote, pour ne pas dire une manie. Eh bien non. Les balles qui crépitent sur le corps de mes compatriotes méritent d'être entendues. Les images des blessés et des morts, les photos des jeunes filles violées méritent d'être vues. Le drame de mon pays ne doit pas rester sans visage, sans nom, sans sens, sans trace. À signaler aussi le livre de Muriel Devet, La Guinée chez Cartala, et toujours l'excellent chapitre consacré à ce pays dans les mondes rebelles des éditions Michelon. Et je vous rappelle, bien sûr, le nouveau tome des dossiers secrets de Monsieur X, Les grands espions du XXe siècle chez Nouveau Monde Édition, en coédition avec France Inter, bien sûr. Vous retrouvez la bibliographie sur franceinter.com. À samedi prochain, merci à Michel Billou, Rebecca Denante, Monsieur Joub, qui ont préparé avec moi cette émission. Et aussi merci pour leur aide aux documentalistes de Radio France et de RFI. Et bientôt, CO2 Mon Amour de Denis Chessou.